François Kimana sur la mise en onde de la présentation. Marie-Ange Nzeimana, bienvenue, bonsoir Ange. Bonsoir Bala, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. 5 personnes mortes, 7 blessées, une somme d'argent non encore connue qui a été volée. Tel est le bilan d'une attaque perpétrée la nuit de ce lundi par des hommes armés non encore identifiés sur la colline Lukobe de la commune Egisuru en province de Luyigi. Et puis la section CNTS du syndicat SINAPA menace de débuter une grève illimitée depuis ce 18 courant. Il dénonce entre autres certaines irrégularités observées dans le domaine de l'octroi des marchés publics et les retards des cotisations à l'INSS pour le personnel. Le directeur du CNTS réagit en disant que ce préavis de grève relève de l'incompréhension. Et plus de 250 élèves du lycée municipal de Chivitoke à mairie de Bujumbura ont quitté le banc de l'école. Le préfet des études indique que les mobiles de ce taux d'abandon élevé ne sont pas seulement liés à l'insécurité qui a caractérisé ce quartier. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 5 personnes sont mortes et 7 autres blessées et une somme d'argent non encore connue ont été volée. Tel est le bilan d'une attaque commise ce lundi à la colline Lukobe en commune Gisuru de la province Luyigi par un groupe d'hommes armés non encore identifiés. Le commissaire de police à Luyigi dit que les enquêtes sont encore en vue d'identifier les bourreaux. Les détails dans ce reportage de Jean-Claude Chimilimana depuis Luyigi. Cette attaque a été commise près de la paroisse de Mouninha, lieu habituel de vente de diverses denrées alimentaires et boissons à la colline Lukowe en commune Gisuru de la province Ruyigi. Selon des témoins oculaires, c'était autour de 19h de ce lundi quand un groupe d'hommes non identifiés armés de fusils ont fait irruption à ce centre. Immédiatement, ces hommes ont ouvert le feu en toutes les directions pendant au moins 5 minutes. Ensuite, ils sont entrés dans les bistrots et kiosques où ils ont pillé de l'argent. Ils ont également bu des boissons qui s'y trouvaient jusqu'à l'arrivée vers 20h d'un véhicule à bord duquel se trouvaient des policiers, moment où ils ont pris le large. Selon les mêmes sources, une phrase a été prononcée par les bourreaux. Je cite « Tirons sur tout le monde car ils ont refusé de prendre le chemin de l'exil ». Sur le champ, 4 personnes sont mortes fusillées et une autre a succombé étant en mi-chemin vers l'hôpital de Gisuru. En plus de ces personnes privées de vie, 7 autres ont été blessées, dont 4 cas jugés graves ont été transférés ce mardi par l'hôpital de Gisuru aux autres structures de soins compétentes. Les habitants des collines Lukowe et Mouninha souhaiteraient avoir une position des forces de l'ordre dans cette localité car ils sont déjà avertis qu'ils seront attaqués et tués pour avoir refusé de prendre le chemin de l'exil. Cette demande a été formulée ce mardi lors d'une réunion de circonstances tenue au lieu du drame par l'administration provinciale en collaboration avec le commissariat de la police, le parquet de Ruigi et le tribunal de grande instance de Ruigi. Edouard Moukoko, commissaire provincial de la police, dit que ces malfaiteurs ne sont pas encore connus. Toutefois, il indique que 6 personnes sont déjà arrêtées pour question d'enquête. En plus, il promet l'installation d'une position des forces de l'ordre à la colline Lukowe et appelle la population à dénoncer tout malfaiteur en vue de sauvegarder la sécurité. Jean-Claude Nshimilimana, Gisuru, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Chimilimana. Toujours en rapport avec la sécurité, 8 personnes, tous des jeunes garçons, y compris un certain Adamo, qui était recherché en zone Moussaga, ont été arrêtés ce lundi soir par les agents de la police nationale. Les habitants rencontrés sur les lieux à Moussaga s'insurgent contre les arrestations en cascade lors de cette opération. Evariste Nzikobanyanga s'est rendu à Moussaga, son reportage. Les forces de sécurité se sont rendues dans l'après-midi de ce lundi en zone de Moussaga, à la 2e avenue précisément. Des coups de feu ont été tirés. Les policiers allaient procéder à l'arrestation d'un certain Adamo qui figurerait sur la liste des fauteurs de troubles recherchés selon le chef de zone de Moussaga. Ce qui s'est passé, c'est que la police avait des informations qu'il y a un malfaiteur qui présidait une réunion avec un groupe de 8 personnes. On les a arrêtés. Évidemment, il y a eu échange de coups de feu, mais on n'a pas enregistré des dégâts, que ce soit humains ou matériels. Ce jeune rencontré à la 2e avenue indique avoir été choqué par des arrestations en cascade. L'idéal serait que les policiers soient accompagnés par les autorités administratives. Il faut que les forces de sécurité soient accompagnées par les administratifs. Il ne faut pas qu'ils viennent en tirant sur tout le monde. Celui qui fuit, on le retrouve là où il se cache et il est arrêté. Il faut que les policiers fassent leur travail en présence des administratifs. Parmi les 8 jeunes gens arrêtés figure un jeune qui provient de Mwaro. Il était en visite dans une famille à Moussaga. Sa tante craint pour sa sécurité. Il faut que je sache là où il est détenu et le mobile de son arrestation. Il était avec les autres au bord de la route. Nous ne voulons pas qu'il soit porté disparu. Un sexagénaire rencontré à la 2e avenue en zone de Moussaga déplore le fait que cette zone reste théâtre d'affrontements. Il demande aux groupes armés de cesser le feu. Ces malfaiteurs, on ne les voit pas. Sinon, l'on devrait les dénoncer. S'il vit en cachette, on lui demanderait de cesser ces actes qui nous empêchent de vivre dans la paix. Le chef de zone Moussaga confirme l'arrestation de 8 personnes pour des raisons d'enquête. Antoine Rouminietso demande cependant aux habitants des 1er et 2e avenues au quartier Gasekebouye de dénoncer à temps tout ce qui porte atteinte à la sécurité. Je lance un appel très précis à ma population de donner des informations à temps et de collaborer avec l'administration locale, l'administration au niveau des zones, la police et la justice. C'est une voie sûre pour ramener la sécurité dans la zone et particulièrement dans le quartier Gasekebouye. A noter qu'une grenade a été lancée samedi dernier au quartier Kinanira 1 lors de la tenue d'une réunion de sécurité sans faire de dégâts. Le chef de zone Moussaga, Antoine Rouminietso, confirme que l'auteur de cette explosion est sous le verrou. Deux femmes sont mortes, la troisième battue à mort dans une période d'une semaine et demie en province de Karoussi. Et toutes les trois ont été battues par leur mari. Les administrateurs communaux et les responsables de centres de développement communautaire dans cette province indiquent que l'ivresse et le concubinage sont à la base de ces violences domestiques qui vont jusqu'à la mort. Blaise Pascal Caroumier pour les détails. Sur la colline de Bougouana de la commune Guitéramouka en province Karoussi, un homme dit Nondonzo Isaba Hassan a battu à mort sa femme ce dimanche le 10 avril et cette dernière a été directement conduite par les voisins au centre de santé le plus proche et ensuite à l'hôpital où les médecins ont constaté que l'enfant que cette mère portait était déjà mort suite au coup lui infligé. La femme est restée à l'hôpital pour le suivi médical. Cela s'est passé 4 jours après qu'encore sans vie, une dame d'Inodo Glorioso de la colline Mugoboka de la commune Bougenyuzi a été retrouvée suspendue sur un avocatier non loin de son ménage. L'administrateur communal de Bougenyuzi affirme que cette femme n'était pas en bonne relation avec son époux et que le mari a pris fuite vers la Tanzanie. En date du 30 du mois passé, une autre femme d'Inodo Nyonzi Mamatil a été aussi tué par son mari à coups de fouet à la colline d'Okivoga de la commune Gihogaz. L'auteur étant aux mains de la police. Sur cette recrudescence des violences domestiques allant jusqu'à des assassinats dans la province de Karoussi, les administrateurs de ces communes et la coordinatrice du CDFC, Centre de développement familial et communautaire, indiquent que l'ivresse, le concubinage et le manque de retenue sont les causes principales de ces violences domestiques. Ils indiquent qu'ils sont des réunions de sensibilisation de la population pour en découdre avec ce comportement. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page justice de ce journal, certains d'entre ceux qui ont tenté de renverser les institutions au mois de mai et l'an dernier ont comparu ce mardi devant la chambre d'appel deuxième degré. Il s'agit de Ndawaneze Zenon, Nimenya Hermenegilde et Juvenal Niyungeko alias Kiroho. Tous les trois acceptent le délit de tentative de putsch mais nient le fait d'avoir tué et démolir des édifices. Arthur Kabaouchi était là. Visiblement, tous les prévenus ont été poursuivis sur les mêmes chefs d'accusation, à savoir la tentative de renversement des institutions, avoir tué des policiers et militaires des civils et avoir démoli des édifices. Comme tous les prévenus l'ont fait savoir, Ils reconnaissent avoir participé dans l'élaboration du communiqué qui a passé sur les médias et dans sa lecture. Mais pour les derniers chefs d'accusation, ils ont dit que c'est un montage fabriqué de toutes pièces par le ministère public. En effet, Zénon Dabanézé accuse le ministère public de manque de preuves en voulant mélanger les responsabilités, alors qu'en matière pénale, la responsabilité est individuelle. Nimenia Himenegilde, qui était membre du comité d'organisation, dit qu'il n'y avait aucune relation entre eux et les manifestants. Pour lui, ils défendaient les mêmes causes et ils étaient paisibles. En ce qui concerne la peine complémentaire de 20 ans que le ministère public avait requis pour eux, il a demandé à la cour de lui donner 60 ans du fait qu'à la prison, il n'y a pas de travail du moment qu'il a eu la peine de perpétuité. Nyungako Juvenal alias Kiloro a indiqué à la cour qu'au moment des faits, il était à son chantier, se trouva à Charama, et que les accusations contre lui d'avoir démoli la radio Rema FM et le bureau spécial de recherche de la police sont des mensonges perpétrés au bistrot Iwabuwabanu, où il était incarcéré et torturé. Sachez que sur les trois prévenus qui ont plaidé ce mardi, seul Nimenia Juvenal, alias Kidoro, avait un avocat et que le procès va continuer jusque ce vendredi après avoir auditionné 26 accusés. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Parlons santé à présent. La section CNTS du syndicat SINAPA a lancé son lundi un préavis de grève. Partene Morigua, président du syndicat SINAPA pour la section CNTS, menace que si rien n'est fait, ils vont commencer une grève illimitée à partir du 18 courant. Le personnel du CNTS, syndicat SINAPA, s'indigne entre autres de certaines irrégularités dans l'octroi des marchés publics et les retards des cotisations pour le personnel à l'INC. C'est suivi par Tane Mohigwa pour le compte du syndicat SINAPA au sein du CNTS. Nous avons des problèmes vraiment majeurs au CNTS. Le premier problème, il y a des cotisations à l'INSS qui devraient être cotisées régulièrement. Pour le moment, on a stoppé ça. Les causes, on n'en sait rien. Même sur les accréditifs, on marque qu'on a payé ça, mais à l'INSS, nous avons demandé. Nous avons une dette de plus de 27 millions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des non-paiements, des jours fériés travaillés par le personnel de CNTS qui, jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, la direction générale du CNTS ne veut pas faire la réglisation de ces primes ou indemnités pour les travailleurs qui ont pu travailler. Le troisième problème, ce sont des contrats signés par la direction générale seule, sans toutefois consulter personne, malgré le directeur administratif et financier qui est là, le directeur technique qui est là, il y a le conseil d'entreprise qui est là, il y a l'anticorruption. Il devrait normalement consulter toutes ces personnalités. Mais quand on demande pourquoi il ne doit pas consulter ces gens, le seul mot qu'il entend, c'est moi le DG, c'est moi qui décide, et personne d'autre. Le quatrième point, c'est un restaurant qui a été, dans ces derniers jours, installé dans les salles où on accueille nos donneurs de sang. Nous voyons que tout ça qui a été fait sans toutefois consulter personne. Est-ce que vous avez pris un temps pour demander une rencontre avec le directeur général pour discuter de toutes ces questions? Chaque fois qu'on pose toutes ces questions à la direction générale, le seul mot c'est toujours « c'est moi qui décide, vous allez travailler et vous suivez ce que je fais ». Le préavis de grève du personnel du CNTS, membre du syndicat SINAPA, relève de l'incompréhension. L'appréciation est du docteur Christine Nina Nyon-Savier, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Celle-ci promet que d'ici peu, tous les problèmes vont être réglés sans tenir compte, plutôt sans recourir à la grève. Docteur Christine Nina Nyon-Savier, jointe au téléphone par Joseph Nsabiamandi. C'est une situation qui est tout à fait évolutive, d'autant plus qu'il s'agit beaucoup plus des incompréhensions entre les uns et les autres. Dire que je prends des décisions unilatérales, c'est archi faux parce que je ne fais rien sans passer par des réunions. Nous, on fait des réunions tous les lundis et chaque jour, je parle avec les deux directeurs, je parle avec les chefs de service. J'ai installé des téléphones internes qui ne sortent pas de l'extérieur pour qu'on puisse parler, même quand il y a une petite information qui arrive, tout le monde est informé. Quand il faut que je prenne décision, je les appelle et on discute et après je leur dis, voilà, je vais prendre telle ou telle autre décision. Il y a certainement des petites choses pour lesquelles, bon, je me retrouve après avoir dit oui ou non ou c'est bien ou c'est pas bien, mais je ne vois pas en quoi on peut dire que je prends des décisions unilatérales. Évidemment, il y a des propositions, il y a des avis, je reçois des avis, mais la dernière décision est prise par le responsable de la maison. Et d'ailleurs, je ne suis pas la dernière à prendre des décisions puisque j'ai au-dessus de moi le ministre de la Santé publique qui est l'autorité hiérarchique de tutelle. Aujourd'hui, il y a un préavis de grève qu'il faut gérer. Mm-hmm. Comment allez-vous gérer cette situation pour que le climat s'apaise? Il n'y a aucun problème qui a été soulevé ou relevé dans ce préavis de grève qui ne peut pas être réglé immédiatement. Le paiement des frais légaux réside dans un problème de cachet. Donc, une fois que ce problème de cachet est levé, les paiements, les frais vont être payés. Les cotisations à l'INSS, il s'agit de l'introduction dans le système informatisé. Il y a eu des erreurs lorsqu'ils ont rentré les données. Et ça c'est en train d'être corrigé, c'est en cours. Les contrats de services qui ont été signés, ça a été analysé par le conseil d'administration. Et eux, ils ont donné leur point de vue. Il n'y a aucun problème. Alors, la cantine qui existe là, dont on parle d'une cantine qui est devenue un restaurant, ça aussi on a traité cela au niveau du conseil d'administration. On a décidé d'élargir l'espace vers l'extérieur parce qu'on a de l'espace. C'est question de temps, donc ça n'a rien à voir avec des choses qu'on ne peut pas résoudre. Donc je ne comprends pas pourquoi ça doit passer par une grève. Parlons éducation à présent. Plus de 250 élèves ont abandonné le lycée municipal de Cibitoke au cours des deux années scolaires, celles de 2014-2015 et 2015-2016. C'est l'affirmation de Deo Navio, qui est le préfet des études du lycée. Il précise tout de même que cette situation n'est pas due qu'au problème d'insécurité, qu'on pourrait le croire plus d'un, même si cette école est érigée dans un quartier qui a été touché par son genre de problème pendant deux années scolaires. Léonce Bitaliho nous en dit plus. Les élèves qui n'ont pas pu terminer l'année scolaire 2014 et 2015 ont été chiffrés à 155 et quant à ceux qui ont déjà abandonné au cours des deux premiers trimestres de l'année scolaire en cours, ils sont autour de 120. L'affirmation est de Deon Havzo, c'est le préfet des études au lycée municipal de Cibitoke, au nord de la capitale. Nous avons commencé avec un effectif de 1155 élèves, mais à la fin de l'année, à la fin du troisième trimestre, nous avons constaté qu'il y a eu 155 cas d'abandon. Pour le moment, je ne peux pas être précis, avec des abandons qui tourneraient autour de 120, nous pouvons avoir autour de 900 élèves aujourd'hui. Même si plus d'un pourrait croire que ces abandons sont essentiellement dus à l'insécurité, vu l'endroit où est érigée l'école, le préfet des études estime que non, il y a d'autres raisons. Il y a à la fin d'un trimestre des élèves qui estiment qu'ils ne pourront pas réussir à la fin de l'année et qui jugent bon de ménager, aller dans une école privée. La plupart des fois, c'est ça. Mais on ne peut pas nier qu'il y a eu la perturbation de la sécurité. Il y a eu certaines familles qui ont jugé bon de ménager, quitter la zone Cibitoke. Cela a fait que les parents exigent que l'élève puisse étudier peut-être là où ça lui faciliterait de se rendre à l'école, de rentrer à la maison. Au lycée municipal de Cibitoke, les taux de réussite pour l'année scolaire 2015-2016 vont en augmentant. Les élèves ont en effet réussi à hauteur de près de 71% pour le premier trimestre et un peu plus de 76% pour le second. Deo Navzo espère que les résultats seront encore mieux à la fin de l'année. Merci à Léon Sibitadio. Toujours en rapport avec l'éducation, 5 enseignants de la commune Marangala en province Ngozi se lamentent de n'avoir pas eu leur salaire il y a 4 mois alors qu'ils sont restés au travail. Ces enseignants déclarent que certains parmi le personnel de la direction provinciale n'affichent aucune volonté. Et dans l'étude de leur dossier, les précisions d'Apollinaire Muzagala de Pingozi. Ezekiel Wimana est un professeur au service au lycée communal Marangala en province Ngozi. Après la proclamation de la fin de juillet, à la fin de l'année scolaire passée, il a fui le pays suite à l'appel invitant les fonctionnaires de rentrer au risque de licenciement. Ezekiel a regagné le Burundi en septembre pour débuter avec ses collègues l'année scolaire 2015-2016. À la grande surprise, il vit avec 4 autres professeurs de la même direction communale de l'enseignement de Marangara sur la liste des déserteurs. Et dès le mois de janvier jusqu'à maintenant, leurs salaires ont été bloqués. Ils disent avoir écrit une lettre pour tenter de débloquer ces salaires, mais ils disent qu'ils sont menacés par la pauvreté et disent qu'ils sont pénalisés par les banques auprès desquelles ils ont contacté des crédits. les lettres de demande de régularisation sont arrivées depuis les lettres à la DPM aussi, des unités de l'État professeur de l'enseignement. Rétorque s'il n'en était pas informé, il promet néanmoins de se mettre pour chercher une issue favorable. Donc aussi, apprenez Mouzagara Radio. Terminons ce journal par cette page politique. Un administrateur communal a les compétences de déchoir un conseiller collinaire, mais après délibération du conseil communal, c'est une lecture faite par François Bizimana, un élu collinaire de Witezi, en commune Matana de la province Wurui. Cette réaction intervient après que l'administrateur de la commune Wurambi, en province Lumongue, a été déchu et remplacé en chef de colline Lutwenzi. François Bizimana nous précise ici dans quelles conditions le mandat d'un élu collinaire ou de quartier peut prendre fin selon la loi communale. Le mandat peut prendre fin à l'échéance du terme ou par décès. Deuxièmement, par démission volontaire. Troisièmement, suite à une condamnation à une peine de servitude pénale égale ou supérieure à 2 mois ferme, à 6 mois avec sursis, sauf pour les infractions non intentionnelles ou les délits d'opinion. Et quatrièmement et enfin, par déchéance prononcée par l'autorité de tutelle. Et pour le cas du conseil collinaire, l'autorité de tutelle au premier degré, c'est l'administrateur communal. Si l'administrateur communal estime qu'un conseiller collinaire s'est rendu coupable d'une faute grave qui mérite sa déchéance, l'administrateur communal peut donc prononcer la déchéance de son conseiller collinaire, mais là aussi dans des conditions prévues par la loi. C'est le code électoral qui détermine les procédures qu'il faut emprunter pour pouvoir destituer un membre du conseil collinaire. Cela est prévu au niveau du code électoral en son article 179. Est-ce que l'administrateur communal a la latitude de déchoir un élu collinaire? L'administrateur communal, elle a les compétences, elle a latitude de déchoir un conseiller collinaire, mais après délibération du conseil communal. Ce que l'administrateur peut faire s'il estime que son conseiller collinaire sera coupable d'une faute lourde, d'une faute grave, en attendant la tenue du conseil communal, il peut prendre des mesures urgentes, allant même jusqu'à la suspension. C'est la fin de cette édition, mais avant de vous rappeler, nous vous rappelons les principaux titres. 5 personnes mortes, 7 blessées et une somme d'argent non encore connue qui a été volée. Tel est le bilan d'une attaque perpétrée la nuit de ce lundi par des hommes armés non encore identifiés. Sur la colline Lukobe de la commune Gisulu, nous sommes en province de Luyegi. Et en matière de santé, la section CNTS du syndicat SINAPA menace de débuter une grève illimitée depuis ce 18 courant. Ils dénoncent son entre autres certaines irrégularités observées dans le domaine de l'octroi des marchés et les retards des cotisations de l'INSS pour le personnel. Le directeur du CNTS réagit en disant que ce préavis de grève relève de l'incompréhension. Et puis en rapport avec l'éducation, plus de 250 élèves du lycée municipal de Chibitoke en mairie de Bujumbura ont quitté le banc de l'école. Le préfet des études indique que les mobiles de ce taux d'abandon élevé ne sont pas seulement liés à l'insécurité qui a caractérisé ce quartier. François Akimana sur la mise en onde à la présentation. Marie-Ange José Imana, une bonne soirée à tout le monde.